Commentaire au public numéro 2. Dans cet enregistrement, je vais faire suite à des messages que j'ai reçus parce que par rapport aux vidéos qui se trouvent sur cette chaîne, il est possible de laisser des messages en bas de ces dernières. Et c'est sûr que si vous avez des questions, bien, vous pouvez me les poser. Bien entendu, je ne garantis pas que je vais nécessairement répondre à toutes les questions que je reçois, mais il peut m'arriver d'y répondre. Et c'est sûr qu'éventuellement, j'ai l'intention de réaliser une autre vidéo où je vais faire suite soit à des commentaires ou à des questions du public. J'ai décidé de faire cet enregistrement maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un contexte qui est propice à cela, dans le sens qu'il y a quelques minutes, j'ai été m'entraîner à la salle de gym. Donc, j'ai soulevé des poids et haltères, ce qui m'a permis de vivre des oppositions au niveau physique. Donc, ça a stimulé aussi ma circulation de l'énergie. De m'entraîner physiquement, ça me dynamise. Ça me sort de l'inertie pour m'amener à vivre de la contraction. Puis, quand que je suis bien entraîné, c'est sûr que la sécrétion d'endorphines, il y a des hormones aussi physiques là, qui sont engagées lorsqu'on fait une activité physique intense. Bien, c'est sûr que ça crée une forme de stimulation, de dynamisme. Et par la suite, bon, j'ai mangé. Donc, quand que je m'entraîne, ben, je m'organise pour manger des protéines. Donc, j'ai mangé 2 œufs avec une tranche de pain, des morceaux de céleri. Et par la suite, j'ai décidé de faire ma vaisselle. En lavant la vaisselle sans faire par exprès, j'ai échappé une assiette par terre. Elle a éclaté en plusieurs morceaux. Donc, ça m'a fait vivre une forme d'opposition. Puis par la suite, j'ai essayé de ramasser à main nue les morceaux qui étaient par terre. C'était pas une bonne idée parce que je me suis coupé l'un des doigts puis j'ai un de mes doigts qui s'est mis à saigner. Ah ben là, ça m'a contrarié et je vais utiliser cette énergie de la contrariété que j'ai vécue dans les dernières minutes pour faire un enregistrement, pour me propulser dans l'enregistrement. Parce que c'est sûr que si je suis dynamisé dans ma parole puis dans mon énergie à travers des oppositions, ben, c'est le meilleur moment pour faire un enregistrement. C'est pas avant de dormir quand que je suis tout mou puis je suis tout dilué, décontracté. Non, il faut que je sois électrifié par quelque chose pour avoir la parole qui va dynamiser le propos que je peux tenir. Et c'est dans cet état que je suis présentement et c'est sans doute dans cet état que je vais être le mieux placé pour faire suite à des commentaires que j'ai reçus en lien avec mes activités sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous parle, puis je vous mets un petit peu en contexte, parce que en réalité, les meilleurs enregistrements que je peux écouter en lien avec la conscience ou que je peux produire, c'est toujours des enregistrements où je suis plus dans la vibration de la colère que dans une vibration molle, où est-ce que je parle lentement. Non, il faut une électrification dans la parole pour qu'elle réveille, pour qu'elle dynamise, pour qu'elle permette de véhiculer un taux vibratoire et ça, peu importe la distance auquel la personne se trouve pour l'intercepter. Parce que c'est ce qui se sent dans la parole lorsqu'elle est dynamisée par des événements, par des choses qui vont activer le processus de la volonté. Parce que c'est sûr que si je suis à moitié mort, d'enregistrement ne sera pas nécessairement très, très intéressant à écouter. Alors que si je suis dans le feu, là, ça devient plus intéressant, ça devient plus dynamisant à entendre. OK, donc la petite mise en contexte est faite. Je vais faire suite à des commentaires. Alors tout d'abord, j'ai eu Nini Oz qui m'a écrit « Salut David, j'apprécie ta créativité. » Le violet pour cette forme de vidéo ainsi. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que des vidéos où est-ce que j'interagis avec le public où je fais suite à des commentaires, il y a un contour violet. Donc, je voulais leur mentionner aux gens vu que c'est quand même récent. Donc, j'ai utilisé un code de couleur. Donc, il fait un petit commentaire par rapport à ça. C'est sûr qu'il a aimé parce que j'ai produit un enregistrement récemment là, où est-ce que j'ai invité les gens à faire mention de l'endroit où ils sont. Donc, ce qu'il me disait, c'est que c'est un plaisir d'imaginer chacun dans sa contrée respective, ainsi que toi, là où tu habites. Pour ma part, bien que j'habite en ville de Genève, j'ai une magnifique vue depuis ma terrasse sur le Mont Blanc et la Salève, qui font partie des Alpes, donnant aussi sur la Haute-Savoie, côté France. Le Mont Blanc est ici appelé l'Empereur, à cause du chapeau de Napoléon qui d'ailleurs a passé par ce mont. Alors, bon, il fait allusion à l'endroit. C'est sûr qu'il y a des belles montagnes en Europe. Sans doute, de faire de la marche en montagne, ça doit être très agréable. Donc, ce qu'il dit, ou sinon, bon, il mentionne merci à tous ceux et celles qui ont amené de pertinentes questions et à toi pour les réponses, particulièrement celles concernant les êtres élémentaux. Donc, ici, il fait référence à l'enregistrement que j'ai fait qui s'intitule Commentaires au public. Tandis que là, ça, c'est le numéro 2 de cette série, parce qu'il va y en avoir d'autres. Bien sûr, s'il y a des commentaires du public ou des questions auxquelles je donne des suites. Ce qui me fait poser la question, qu'est-ce qui se passe pour eux dans cette étape de fusion? Bon, ben les élémentaux, là, c'est un petit peu une forme fourre-tout qui a été utilisée dans le Nouvel Âge, dans la haute spiritualité, puis la définition qui en est faite, c'est pas nécessairement clair. Moi, je vais vous le parler comme il me vient. C'est que par rapport à la nature, il y a des êtres qui en font l'administration. Les êtres réels qui en font l'administration, des êtres situés sur le plan mental. Donc, eux autres, par rapport au phénomène de la fusion, ben, ils vont se brancher sur des êtres humains, tout simplement. Eux autres, ils font tout simplement une intégration par rapport à des êtres humains. Tandis qu'il y a des êtres que les gens appellent élémentaux, parce que, bon, comment dire, il y a des entités d'êtres décédés qui vont se faire passer pour des fées, des gnomes, des nains, ou peu importe la forme qui va faire plaisir à l'ego humain. Puis ces êtres-là, eux autres, en réalité, c'est des êtres du monde de la mort, vont être appelés à se réincarner. Est-ce qu'objectivement, il existe des fées? Bon, je vais demander la question à l'esprit, hein? Je vais me tasser un peu. Des fois, je suis là, puis des fois, je me tasse. Là, je me tasse. Est-ce qu'objectivement, il existe des fées? Il dit, mon esprit, il dit, non, pas en fonction de votre conception subjective de votre ego. Par contre, il existe en effet des êtres qui vivent en parallèle de la réalité physique et qui vont procéder à l'administration, qui ne sont pas nécessairement des êtres sur le plan mental. D'ailleurs, il existe des êtres de nature extraterrestre. Il y a des êtres de nature interplanétaire. En fait, il y a des êtres qui vont peupler le cosmos à différents niveaux. Mais comme nous ne sommes pas nécessairement rapides sur le plan psychique pour être capables de cerner leur présence, étant donné que nous n'avons pas totalement intégré la multidimensionnalité de notre être en tant qu'être en évolution, vous n'êtes pas en mesure de nécessairement les cerner. C'est un petit peu comme, par exemple, par rapport à la perception de la vue. Donc, si vous voyez les choses à une certaine étendue, donc des lumières que vous ne percevez pas, comme par exemple les infrarouges, ben, c'est la même chose par rapport à des êtres qui vont exister en parallèle avec les distances humaines que vous ne percevrez pas nécessairement sur le plan physique, mais lorsque vous développez une seconde vision associée au processus de la fusion liée à l'intégration d'une conscience vibratoire qui est le produit de la descente de l'énergie de l'esprit en vous, à ce moment-là, vous pouvez en venir à les percevoir. Mais en réalité, bon, je vais revenir à la question qui va sans doute intéresser des gens. Est-ce que, bon, l'existence de fées, de nains, est-ce que c'est juste des créatures fantasmées, colorées par rapport à des êtres décédés, ou est-ce qu'objectivement, il en existe? Ça répond oui, il en existe, mais pas en fonction de votre compréhension subjective. Puis la compréhension qui se rapporte à des êtres qui vont, par exemple, administrer la nature, qu'ils font réellement, c'est plus scientifique, il n'y a rien de féerique ou de poétique là-dedans, il n'y a rien d'imaginaire, bonbon là-dedans. C'est tout simplement des êtres qui ont des mandats puis qui exercent des fonctions. Donc, si, par exemple, un esprit est mandaté pour s'occuper de l'évolution d'une sorte de plante, ben, son mandat, c'est d'en faire l'étude, d'en faire une recension de données qui s'y rapportent. Donc, c'est très technique, il n'y a rien de sexy ou d'imaginaire là-dedans. Puis là, l'histoire, par exemple, d'invoquer les gnomes ou les nains ou les êtres élémentaux pour avoir une belle récolte ou des beaux légumes, puis tout ça. Et ça, c'est du fantasme de l'ego, là. Les êtres qui, objectivement, vont administrer des règnes de vie sont pas nécessairement intéressés à faire plaisir à l'ego humain. Surtout que l'ego humain n'est pas en autorité, puis il n'est pas entré dans son intelligence. Donc, à ce moment-là, si l'individu n'est pas totalement centrique et fusionné avec l'esprit, il n'y a pas nécessairement l'autorité vibratoire pour amener à des êtres qui s'occupent d'administrer certains règnes de vie à modifier leur comportement ou à changer ou à agir dans une certaine direction, étant donné qu'à ce moment-là, ils n'ont pas l'autorité vibratoire pour leur commander des choses. Puis de toute façon, quand la personne va être totalement fusionnée, il va avoir la puissance de volonté pour commander à la matière, donc il n'y aura pas besoin d'eux autres. Même chose par rapport aux extraterrestres. Quand on est inconscient, on peut désirer avoir accès à la technologie qui vient des extraterrestres. Mais lorsqu'on est fusionné avec l'esprit, bien, on a accès à toute forme de savoir de nature universelle, puis qu'on est capable de le canaliser. On n'a plus besoin des extraterrestres pour être heureux. On n'a plus besoin des extraterrestres pour évoluer. Puis on devient nous-mêmes extraterrestres à la conscience du commun des mortels. Donc, c'est tout simplement l'essence de mon propos. Puis de s'intéresser aux élémentaux, là, puis de se préoccuper des fées, des noms, puis toutes ces affaires-là, c'est une perte de temps. Occupez-vous de vous, là. Soyez égoïste dans un sens intelligent, dans un sens créatif. Puis, c'est ça qui est fondamental pour la vie humaine. Le reste, là, c'est de la curiosité subjective. Bon. Il dit, j'ai aussi une autre question. Les informations canalisées peuvent-elles aussi être visuelles? Certainement. D'ailleurs, la personne qui vous parle, là, je retourne dans mon jeu. Quand que je rencontre une personne, là, souvent, je vois, façon de parler, là, c'est pas surtout au niveau physique, c'est que je perçois une énergie qui se dégage de la personne. Fait que, quand que c'est une énergie violette, par exemple, la personne est douce, c'est plutôt molle, idéaliste sur le plan spirituel. Quand c'est rouge, quelqu'un qui est plus colérique, combatif. Quand que l'énergie est verte, quelqu'un qui va être plus dans le calme, la santé. Donc, j'ai certaines perceptions. Puis quand que l'aura est pas belle, là, quand que je vois quelqu'un, là, puis toute l'énergie est brune, là, puis est rouge foncé, dans ma représentation, je ne dis pas que c'est ça objectivement, mais dans la perception que j'ai de certaines personnes, je peux percevoir certaines couleurs associées, puis des fois je me revérifie pour voir si ça change dans le temps, mais il y a une certaine constance. Donc, c'est sûr que, par exemple, là les gens vont trouver ça subjectif, mais je m'en fous parce que je suis là pour parler de mes perceptions. Donc, lorsque je regarde Donald Trump, là, l'énergie que je perçois qui l'entoure est extrêmement laide. Quand je regarde ses yeux sont vides de lumière. Puis l'énergie que je vois, c'est comme du rouge, là. C'est comme quelqu'un qui fonce la tête un peu partout, là, mais il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de volonté unifiée, il n'y a pas de perspective à long terme. Puis c'est quelqu'un aussi grossier qui manque de raffinement. Donc, tandis que la vibration de Barack Obama, qui est son prédécesseur à la présidence des États-Unis, ce que je vois mentalement, c'est une vibration qui est bleue, associée à la communication. C'est un communicateur charismatique et violet par rapport à son idéalisme spirituel. Sauf que Obama avait pas nécessairement le courage de prendre des décisions impopulaires puis de foncer dans le tas comme peut le faire Donald Trump, qui est baveux, qui peut être arrogant. Donc, c'est sûr que Donald Trump, il manque de contenance par rapport à son énergie, ce qui l'amène à avoir des débordements. Tandis qu'Obama, au contraire, il se retenait trop. Il était trop politiquement correct. Il ne disait pas nécessairement le fond de sa pensée, donc il était plus passif. Tandis que Donald Trump incarne le principe actif, mais c'est comme un char d'assaut qui fonce dans plusieurs directions. Fait que c'est sûr qu'il crée des chocs, c'est sûr qu'il va créer des polémiques dans les médias, parce qu'il y a le principe de la volonté. Donc Donald Trump, il ne vibre pas tellement à la peur à comparer d'Obama, qui a peur de déplaire, qui veut bien paraître, qui pèse chacun de ses mots. Tandis que Barack Obama, ben lui, c'était comme une intelligence au niveau spirituel, une haute sagesse qu'il véhiculait avec des belles citations de penseurs qui ont marqué l'histoire des États-Unis dans ses discours. Mais Donald Trump, lui, c'est comme un char d'assaut. Il n'y a pas nécessairement le principe de l'intelligence, encore moins le principe de l'amour et du respect de l'autre, là. Mais il y a le principe de la volonté qui est manifesté à travers ses actions, sa parole, avec plus de force qu'Obama, qui est son prédécesseur. Mais c'est sûr que si je regarde les politiciens, je pourrais faire un commentaire politique, et comme c'est sur ma chaîne personnelle de David L., je me le permets. Tandis que dans l'autre chaîne, David Lévesque Supra, là, je vise à être plus objectif, puis parce que j'ai deux chaînes sur YouTube, puis là, c'est plus de la canalisation que je fais d'une manière impersonnelle. Tandis que là, ici, je me donne le droit de parler de manière personnelle. Il y a assez que dans la vie, on n'a pas nécessairement tout le temps la chance puis le plaisir de parler puis dire vraiment ce qu'on pense. Fait que là, moi, je me donne ce droit-là parce que c'est beau de canaliser du matériel des forces. Mais en même temps, Chris, ce qui importe, c'est d'être capable de dire en tant qu'individu qu'est-ce qu'on pense. Parce qu'après tout, l'être humain dans le futur qui va diriger puis orchestrer le devenir de la Terre au niveau pratique, c'est l'homme qui aura intégré sa fusion. C'est pas les forces sont bien beaux, ils sont sur des plans parallèles, puis ils nous regardent comme des ingénieurs ou des architectes. Ils n'ont pas d'émotion. Ultimement, ça va être l'individu nouveau qui va diriger la Terre. Puis l'individu nouveau va diriger en fonction du principe de l'homme pour l'homme, puis de la manifestation, puis de l'expression de sa parole. Il ne sera pas nécessairement un être téléguidé par eux à recevoir tout le temps des dictées, parce que vous pouvez en recevoir une, deux, trois, puis à un moment donné, vous en avez une centaine, puis ça finit plus. Ils ont pas de fin, eux autres, ils ont pas de bout. Fait que si vous mettez pas vos limites, puis vous apprenez pas à parler pour vous, puis à vous amuser, votre vie, là, ça va être de la merde. C'est ainsi. Parce que si vous êtes fasciné par leur intelligence, vous pouvez être fasciné longtemps parce que vous pouvez apprendre plein de choses sur plein de sujets puis ça n'arrête pas la communication. Puis vous en acheminez, puis vous en acheminez des idées. Mais moi, je suis obligé de prendre du temps dans ma vie pour m'amuser puis m'occuper de moi, comme m'entraîner. Là. D'ailleurs, c'est ce que je mentionnais tantôt. Mais je vais revenir à la question. Est-ce que les informations canalisées peuvent être visuelles? Ben oui, il y en a qui vont entendre, vont percevoir des sons, ils vont percevoir des images, on peut percevoir même des odeurs, différentes choses, selon les sens, en fonction qu'on ait des prédispositions. Donc, c'est sûr que en réalité, visuellement parlant, chaque personne est entourée d'un aura, et puis vous pouvez capter la vibration. C'est sûr que ces temps-ci, je vais voir des sites de rencontres, étant donné que je suis célibataire. Puis là, je regarde la vibration des femmes. Puis là, je passe une photo, j'en passe une autre. Ah! Elle a une plus belle vibration. Puis là, à un moment donné, j'en ai discuté avec un de mes amis. Puis là, j'ai montré la photo de la fille en question. Puis là, je dis, ouais, hein, celle-là, une belle vibration. Des fois, on peut donc, discuter avec des gens. Ils peuvent nous confirmer certaines choses, mais c'est sûr qu'ultimement, c'est nous autres qui doivent trancher. Puis il y a des constats qu'on peut faire par rapport à certaines personnalités politiques. Par rapport à leur niveau d'évolution. C'est sûr que nous autres, au Canada, avec notre Justin Trudeau, c'est un communicateur charismatique, c'est un homme idéaliste, c'est un homme qui paraît bien, qui est bien habillé, etc. Mais c'est un homme qui est idéaliste au niveau spirituel. Il n'a pas encore intégré la vibration supramentale. Donc, il y a un idéalisme qui devrait être ajusté éventuellement en fonction d'un réalisme. Puis ça va passer probablement par des chocs auxquels il va être confronté dans le cadre de sa vie. Parce que si l'énergie est trop enthousiaste, est trop joyeuse, ben qu'est-ce que font les forces pour retrouver l'équilibre au sein de l'individu puis qu'ils puissent vivre une communication télépathique avec lui? C'est qu'ils vont créer des oppositions pour qu'ils vivent du négatif. Et puis quelqu'un qui vit trop du négatif, qui se sous-évalue, etc., ben eux autres, ils peuvent créer des moments pour leur dynamiser ou lui donner une pause pour que sa vibration remonte. Ou un contexte qui va l'amener à ce que sa vibration remonte. Donc, c'est sûr que, par exemple, la personne que sa compagne le quitte et que la personne n'est pas habituée d'aller au-devant des gens, être capable de foncer, d'être audacieux pour aborder des inconnus, ben là, il faut que l'individu aille de l'avant. Fait qu'il faut qu'il prenne de l'expansion pour compenser le vide d'une personne significative dans sa vie. Donc, il est obligé de se redéfinir. Même chose par rapport au processus de deuil. Si votre mère meurt, si votre père, ou peu importe, puis vous étiez habituellement vous compter sur cette personne-là pour vous donner de l'attention, etc., ben là, vous êtes obligé de vous définir par vous-même, puis d'être complet par vous-même, puis d'être totalement autonome. Donc, puis de prendre de l'expansion. Donc, des fois, les forces vont créer des situations en amenant l'individu à le forcer à prendre de l'expansion parce que sûr, il reste tout seul, puis il s'ennuie. Puis en même temps, ben des fois, les forces, quand la personne est trop populaire, puis elle devient orgueilleuse, puis elle devient trop vedette, ça regarde avec des selfies, puis des photos d'égo portraits, puis elle passe son temps à se croire belle, à se prendre fine, ben là, il peut y avoir des scandales qui vont éclater alentour de cette personne-là pour la confronter. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, de jouer à la vedette, comme par exemple notre ami Justin Trudeau au Canada, où il a fait un voyage en Inde, là, puis il a porté des habits traditionnels hindous pour faire plaisir aux gens, puis ça a coûté une fortune, ben là, il y a des gens qui contestent ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau esthétique, au niveau visuel, il paraît beau, il paraît fin, mais en réalité, quelqu'un qui est trop dans l'adaptation par rapport à l'autrui, ben c'est parce que quelque part, il n'y a pas d'identité, donc... À quelque part, il est dans une entreprise de séduction, puis ça, c'est au niveau plus de l'âme. Donc, c'est quelque chose qui doit être éventuellement rééquilibré. Là. Donc, je vais arrêter de parler de politique. En réalité, les politiciens ne m'intéressent pas tant que ça, mais c'est venu sur le sujet. Donc, en fait, oui, les informations canalisées peuvent être visuelles. Donc, on peut avoir... des images qui nous viennent en tête par rapport à certaines personnes, certains lieux, certains animaux, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que par rapport à vous, Nini Oz, ce qui me vient en tête, c'est une image avec du blanc, puis du bleu. En fait, la sensibilité que je perçois par rapport à vous, ça se peut que je me trompe, c'est que vous êtes plus quelqu'un dans la réception d'un environnement, donc une sensibilité à un endroit, à un lieu. Je vous perçois un peu comme quelqu'un qui est contemplatif. Donc, peut-être quelqu'un plus de type yin que yang. Donc, très grande sensibilité à la réception. Par contre, ce qu'ils me disent, c'est que vous devez développer la capacité davantage d'émission dans votre vie pour trouver le juste équilibre. Puis, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Si on prend Donald Trump, il en émet en maudit, puis il va dans toutes les directions, mais lui, il faut qu'il développe plus de centricité, puis qu'il intègre le principe de l'intelligence, puis de l'amour. Ça ne sera sans doute pas demain matin, mais c'est ainsi. Bon, je vais passer à un autre commentaire, là. Ça fait quand même à peu près au-dessus d'une vingtaine de minutes que je parle. OK, il y a Virginie qui m'a écrit. Alors, je te salue, Virginie. Bonjour, David. Je réponds avec un léger retard. Je vous écoute depuis la France aussi à la test de Bock. Alors, ben, j'étais voir sur YouTube. C'est un endroit en France. Là, je voyais des belles plages. Donc, c'est sûr que je te salue. Si tu peux profiter de la plage, ben, tant mieux. Hein, c'est agréable. Alors, elle dit qu'elle a plusieurs questions. Qu'en est-il de l'enfance? Sommes-nous déjà astralisés dès la naissance ou même avant dans le ventre de notre mère ou encore avant? En fait, c'est pas très compliqué, Virginie. C'est que la minute que l'âme s'est séparée de l'esprit pour connaître un processus incarnationnel, ben, la vibration qui était pure s'est densifiée, ce qui fait que techniquement elle est astralisée. Donc, la minute que votre âme a commencé à s'incarner puis se réincarner sur Terre, elle a été astralisée. Donc ça vient avant le ventre de votre mère ou les vies antérieures. Ben, en fait, la première vie que vous avez connue sur une planète de nature expérimentale similaire à la Terre, du pas nécessairement à la Terre, parce qu'en réalité, il y a d'autres planètes qui vont servir l'évolution des âmes. Parce que en réalité, le cosmos est peuplé. À un moment donné, nos scientifiques vont s'en rendre compte. Ça ira dans leur temps, là. C'est pas mon problème, mais il en est ainsi. Donc, c'est sûr qu'une âme, par exemple, qui vit une vie sur Terre, par la suite, elle décède, elle quitte le plan physique, elle va se retrouver sur le plan astral si elle n'a pas connu la fusion de son vivant. Par la suite, cette âme-là va se réincarner dans le ventre d'une mère à travers le fœtus. Puis le fœtus, ben, cette conscience-là, elle s'est pas fusionnée, elle est astralisée. Puis quand elle va naître, elle va être astralisée aussi. C'est la minute que l'individu a été coupé, pour employer une belle expression à la Bernard de Montréal, des circuits universels. Lorsque la personne est coupée de la conscience universelle pour connaître une conscience qui est diffractée, une conscience qui est limitée, une conscience qui est planétaire, une conscience qui est expérimentale et qui se construit progressivement pour éventuellement réintégrer la totalité de l'esprit auquel elle était branchée dès le départ, que là, le processus d'astralisation existe. Ce qui impliquerait que l'astralisation puisse avoir une puissante forme non-verbale, ben oui, c'est sûr que dans le fond, l'astralisation, je sais pas c'est dans quel sens que tu veux le dire, là, mais ça passe dans le verbal, dans le non-verbal, en réalité, forme non-verbale. Ben, en fait, la personne n'est pas capable de s'exprimer et est astralisée si elle n'est pas consciente d'être sous influence d'énergie planétaire. Pour développer cette conscience-là, il faut comprendre que la pensée vient d'ailleurs. Fait que techniquement, un enfant, tant aussi longtemps qu'il est inconscient, et qu'il n'a pas, en fait, l'individu devrait dire, n'a pas intégré réellement la compréhension que c'est pas lui qui pense. Il est techniquement sous influence d'entité astrale ou mentale, donc il vit inconsciemment sa vie. Parce qu'il n'a pas vu le poteau rose, il n'a pas eu accès à la compréhension, puis j'allais dire l'illumination, mais j'aime pas ce mot-là parce que ça donne une couleur spirituelle. À l'éveil au fait que c'est pas lui qui pense puis que son cerveau reçoit les pensées. Puis quand il apprend à prendre une distance par rapport à la pensée, puis de réaliser que c'est pas lui, ben là, il commence à vivre une liberté intérieure, puis là, il commence à se libérer de l'astral puis à se distancer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Habituellement, un enfant de 2-3 ans, surtout quand il est au stade d'exploration, de la découverte, il ne va pas nécessairement découvrir ça en premier. Ça demande souvent de l'intériorisation. Et pour connaître l'intériorisation, souvent les gens doivent être exposés à des situations souffrantes. Il en est ainsi. Bon, elle dit, Virginie, « Lorsque mon taux vibratoire est élevé, des gens viennent me prendre de l'énergie de façon plus ou moins sympathique. Est-ce un mécanisme et est-il évitable? Un peu naïf comme question, elle marque ça. Virginie, vous êtes un petit peu sévère envers vous-même, là. Un peu naïf comme question, vous n'êtes pas obligé de vous auto-flageller à travers ça en faisant ce petit commentaire-là. En réalité, la question mérite d'être explorée. Il ne faut pas être dur envers soi-même. Il ne faut pas être trop perfectionniste. Il faut prendre ça relax, la conscience. Normalement, la vie, Virginie, ça devrait être un jeu. On ne devrait pas être là à souffrir. On souffre par étroitesse d'esprit, mais quand on s'éveille, normalement, on doit en venir à jouer de la vie, des belles choses sur le plan planétaire. Ça peut être de profiter d'une marche proche de la plage, de l'océan, être capable de savourer, par exemple, une belle assiette de poisson qui a été pêchée à la mer, apprécier un coucher de soleil sur l'eau. Là, peut-être Ninios va aimer mon image parce que la façon que je te sens, Ninios, c'est que tu as une sensibilité visuelle à caractère peut-être même poétique. Il y a un côté artistique, l'impression chez toi. On verra, hein? Ça se peut que je me trompe. Des fois, je m'amuse à faire des commentaires comme ça en fonction de comment que je sens les gens. Pour répondre à ta question, c'est que si ton taux vibratoire est élevé, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir te puiser ton énergie? Bien, c'est sûr. Donc, si on voit une batterie et quelqu'un qui est disponible, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent exploiter la ressource jusqu'à temps qu'elle soit à terre. Les gens vont vampiriser celle qui a le plus d'énergie. C'est souvent ce que beaucoup d'êtres humains vont faire, d'où l'importance d'être capable d'apprendre à mettre ses limites. Donc, c'est évitable de se faire parasiter son énergie, puis la meilleure façon de le faire, c'est de mettre ses limites. Mais pour ça, il faut être capable de s'affirmer, il faut être capable de dire non, il faut être capable de développer le principe de la volonté. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est sûr que, tu sais, si toi, t'aimes plaire aux autres, t'aimes faire plaisir aux gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de siphonner ton énergie vitale. Parce que tant que l'être humain n'a pas intégré l'énergie de son propre esprit, il est vide intérieurement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de chercher à l'extérieur de lui, puis à travers les autres individus de son environnement, l'énergie dont il a besoin pour se renouveler. Parce qu'il n'est pas capable de se renouveler créativement tant aussi longtemps qu'il ne vit pas la fusion avec l'esprit qui est de nature créative. Alors que si l'être était fusionné, il n'y a pas besoin de parasiter l'énergie des autres, il est plein de lui-même en tant qu'esprit. Mais tant que les gens sont des coquilles astrales, sont vides à l'intérieur d'eux, c'est sûr que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se coller à quelqu'un qui a plus d'énergie ou plus de vitalité pour les stimuler, pour les booster, pour les motiver. Là, si la personne est dans une dynamique astrale, elle peut jouer au coach, elle peut jouer au sauveur pour se trouver valorisé là-dedans, puis nourrir un orgueil en disant « Ah, mais moi, je suis bon, j'ai sauvé telle personne ou j'ai aidé telle personne. » Donc, mais ça, c'est un jeu d'ego. Tandis que quand la personne est dans l'esprit, elle ne cherche pas à jouer au sauveur, elle ne cherche pas à jouer à Jésus, à Bouddha ou à Krishna, elle ne cherche pas à être un maître, elle cherche juste à être elle-même puis à être bien dans sa peau. Puis plus qu'on avance dans une conscience supramentale, puis plus qu'on on est écœuré pour se prendre à un autre ou de se mettre sur un piédestal. En réalité, comme moi par exemple, là, je réponds à vos questions, mais c'est parce que ça me stimule. En réalité, je ne cherche pas à vous sauver. Je ne chercherai surtout pas à vous prendre en charge, parce que sans ça, ma vie, ça l'ourdirait. J'ai essayé de prendre ma propre vie en charge, puis là, chez nous, j'étais avec un petit chat. Je m'occupe du petit chat, donc j'en ai. Pour moi, c'est suffisant. Je ne cherche pas à empirer le drame humain, mais j'ai pas pour mandat, en fait, de l'abréger. Parce qu'il y a des choses dans le drame humain qui vont servir éventuellement à des individus à s'affranchir de formes d'esclavage psychologique puis de monter à volonté. Puis si on les libère malgré eux de certaines situations difficiles, ils n'apprendront pas par eux-mêmes à comment s'auto-se libérer de ça et à monter eux-mêmes en volonté d'émancipation et de liberté psychique pour arrêter, par exemple, de se faire parasiter l'énergie des autres. Parce qu'en réalité, je peux vous dire à Virginie, regarde, arrête de te faire parasiter par les autres, puis il faut que tu t'affirmes, il faut que tu développes le principe de la volonté, puis il faut que tu te dises non. Je pourrais te répéter ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il faut que ça vienne de toi. Donc, pour ne pas te faire parasiter par les autres, si c'est le cas, bien sûr. Donc, c'est tout simplement ça l'essence de mon propos. Puis quand quelqu'un est vraiment tanné de se faire parasiter par les autres, je trouve qu'il s'écrase, puis il vire dépressif. Dans certains cas, ça tourne mal, là. Il y en a qui vont sombrer dans dépression, puis l'épuisement. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, ça active le processus de la volonté puis de la contestation de la situation adverse. Puis là, ils montent en volonté comme ils n'ont jamais monté dans le passé. Puis c'est là qu'ils vont s'émanciper psychiquement de toutes les formes qui les alourdissaient dans le passé puis de s'en libérer. Donc, c'est en fonction de chacun. Si tu dois leur ajouter, je suis d'accord avec vous, tu peux me tutoyer. Hein? Puis les gens qui m'écrivent, vous pouvez me tutoyer. C'est sûr que moi, je me permets de vous tutoyer, mais c'est dans un esprit de respect, de convivialité, tout simplement. Je suis d'accord avec vous pour dire que la société semble exiger d'avoir étudié un sujet pour avoir le droit d'en parler. Je faisais référence à ça dans un enregistrement précédent. Alors, elle dit, cependant, il me semble que de l'avoir étudié nous permettrait de nous chamailler entre nous avec d'autres qui l'auraient étudié aussi, car je vois souvent des spécialistes en désaccord entre eux et finalement seuls sur leur piédestal. Bien oui, je te dis félicitations Virginie parce que tu as réalisé quelque chose d'intéressant. En réalité, les gens qui étudient des sujets puis en sont des spécialistes puis qui développent un orgueil intellectuel en lien avec ça, c'est quelqu'un qui collectionne des mémoires en lien avec un sujet. Puis quand il est confronté à un autre spécialiste, chacun, au lieu d'être en contact réel avec l'autre puis être en présence, font chacun référence à leur mémoire. Puis c'est une guerre d'ego que souvent les gens vont se livrer en disant « Ah, c'est qui a la plus belle mémoire? » Donc, autrement dit, c'est qui a raison? Donc, c'est-tu la mémoire de l'anthropologue? C'est-tu la mémoire du sociologue? C'est-tu la mémoire du psychologue? Puis, tous les gens regardent la même problématique avec un regard différent lié à la subjectivité, la polarisation, de l'âme et des mémoires accumulées du mémorial. Alors que si les gens étaient capables de se brancher sur les esprits universels, puis ils seraient tous transparents dans leur ego, bien, ils canalisent les... Maintenant, il y a trois spécialistes qui se parlent sur un panel, dans un groupe, en émission de télévision ou sur Internet, ben, si les trois ils canalisent la même information et sont transparents dans l'ego, ils sont obligés de reconnaître que c'est ça. Donc, les trois sont obligés de reconnaître que c'est ça s'ils sont objectifs et transparents par rapport à ce qu'ils perçoivent. Même si ça ne fait pas nécessairement plaisir à eux autres. C'est tout simplement ça que l'être humain doit en venir éventuellement pour être capable de travailler et réellement collaborer ensemble. Mais ça va prendre bien du temps. Il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut tout simplement s'occuper de sa propre vie. La même chose, en plus des spécialistes, des politiciens. Éventuellement, les politiciens devront se concerter pour régler certaines problématiques et d'agir en conséquence au lieu de chercher à savoir c'est qui a raison, c'est qui a les plus belles formes, les plus belles vérités, le plus haut diplôme, et ainsi de suite. Ça, c'est des guerres d'égo, c'est des enfantillages psychologiques. Puis éventuellement, ça prendra fin. Quand les gens sont saturés de ça... Moi-même, je suis content. Là, au moment où je vous parle, on est le 26 septembre 2018 et je n'ai pas écouté aucun débat politique. Je n'ai pas la vibration pour ça, puis je me suis respecté. Fait que la curiosité subjective que j'avais avant par rapport à ça a été progressivement éliminée. Donc, c'est sûr que mon mode de vie et tout simplement, même les bulletins de nouvelles, je les écoute presque plus. Ouais, j'écoute, je vis en fonction de mon rip, puis je me promène sur YouTube où je vais écouter des films sur Netflix où il n'y a pas de publicité. Je vais écouter des gens qui vont me faire vibrer. Puis éventuellement, il y a une révolution qui va s'opérer à la surface de la Terre. Donc, les gens vont vivre en fonction de ce qui leur fait vibrer au lieu d'écouter des personnes parce que c'est des popularités, puis ils ont des arguments d'autorité parce que c'est des vedettes ou des spécialistes, ben, quand on délaisse des formes qui sont impressionnantes pour la masse pour se concentrer à celles qui sont plutôt vibrantes pour l'esprit, ben ça donne un mode de vie différent. Mais c'est sûr que pour la question des spécialistes, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, si on prend des gens qui vivent la fusion, à mesure qu'ils épurent leur ego, à mesure que la capacité, pardon, de communication réelle va s'établir entre eux, avec transparence, respect mutuel et écoute. Mais ça, il faut aller au-delà de la réflexion puis l'orgueil d'avoir raison. C'est ça, si tu prends un groupe, par exemple, d'ingénieurs, tu les mets tous dans une pièce puis ils ont tous des cours universitaires, c'est sûr que chacun d'entre eux peut avoir l'impression d'avoir la vérité puis être pris dans ce piège-là psychologique puis de dire « Ah, c'est moi qui ai la vérité, l'autre c'est moi, puis c'est moi. » Puis là, ça fait des guerres d'égo. Alors que si les gens sont capables de se détacher des formes dans leur intellect pour tout simplement canaliser la vibration à l'état pur puis la reconnaître en disant « c'est ça », même si ça ne leur fait pas plaisir, Ben, à ce moment-là, il développe la transparence. Donc, c'est sûr que les plus grandes expériences dans ma vie, ça a été celles auxquelles j'ai été confronté par des gens qui m'ont amené à être un peu plus transparent puis moins orgueilleux. Parce qu'après tout, je suis en processus d'évolution de conscience comme beaucoup d'entre vous. Donc, en réalité, je prétends pas d'être réalisé, surtout qu'il peut y avoir une facture extrêmement élevée à payer en lien avec ça. En ce sens que quelqu'un qui affirme quelque chose, il y a toujours une réverbération dans le culte. Il y a toujours des entités qui, en lien avec ce qui est dit, vont créer des événements ou des scénarios pour confronter l'individu à sa parole. Ouais. Bon, sinon, Virginie a mentionné « Vos vidéos sont très intelligibles et vraiment bien. Je vous remercie de votre attention. Belle journée à vous. » Alors, je te dis également « Belle journée à toi » ou « Faites journée » au moment où tu pourras entendre cet enregistrement. Donc, c'est ce qui va la compléter pour aujourd'hui, en ce 26 septembre de l'année 2018. Alors, en terminant, bien entendu, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à mes enregistrements, par rapport à des choses de la vie qui sont généraux, qui peuvent être intéressants pour d'autres personnes, ben, vous pouvez écrire en bas de cet enregistrement ou vous m'écrire par courriel à l'adresse davidlevesquesupra@commercialhotmail.com, comme le fait Virginie, d'une manière discrète, délicate. Donc, c'est sûr que quand je fais suite à des commentaires, bien, c'est l'occasion pour moi d'explorer différentes choses, puis de parler. Ça me fait du bien de parler parce que, après tout, je n'ai pas nécessairement dans mon quotidien l'opportunité de parler de ce jour-là avec mes proches. Fait que ça me donne un output, une sortie. Puis c'est sûr qu'à mesure que je parle, il y a des formations qui descendent. Puis, ça me crée une forme de dynamisation dans le mental, un peu comme quand on fait du sport. Donc, là, je vais aller me détendre là, après avoir fait ça, cet enregistrement-là. Je vais pas aller prendre une douche dans les prochaines minutes. Donc, ben, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée et au revoir.